Des ailes aux talents, des hommes et des femmes qui œuvrent pour le bien commun, racontés par des écrivains et écrivaines. Marie Desplechin. Qu'il faille attendre 6 à 12 mois, voire 18 en banlieue parisienne, pour obtenir rendez-vous dans une structure de soins le rend fou. La souffrance encore, elle n'attend pas. Il suffirait parfois d'une seule consultation pour changer les choses. Des ailes aux talents, un podcast de la Fondation Bettencourt-Schueller, disponible sur toutes les plateformes. Publicité. Publicité. Publicité. La publicité est partout, presse, radio, internet, murs, cinéma, et sous toutes les formes, annonces, encarts, placements de produits, contenus sponsorisés et ciblés. Mais bizarrement, c'est à la télévision qu'on la voit le mieux. Et pas parce qu'elle nous saute aux yeux évidemment, ni parce qu'on s'énerve ouvertement face à une énième pub de lessive, ni encore parce qu'on ne peut pas toujours la zapper. Mais parce que tous ces rouages, toutes ces marques et tous ces éléments de langage nous sont devenus tellement familiers qu'elle n'a plus rien d'un contenu en plus, à part. Non, la publicité est devenue un programme télévisuel en tant que tel, aussi normal que la météo ou qu'un JT, et ne plus en pouvoir tout en l'acceptant est devenu, paradoxalement, tout autant normal. Messieurs, commençons par nourrir notre efficacité. La presse explique. Le cinéma démontre, l'affiche affirme. La mission du publicitaire s'appuie sur la science et la technique. À vous, Corbel. C'est ça, votre pub ? Bah, quoi ? C'est marrant, la pub. Non ? Ragoût doudou, le ragoût de mon doudou, j'en suis fou, ragoût doudou. Messieurs, la publicité repose sur une seule chose. Le bonheur. Et le vrai bonheur, vous savez ce que c'est ? Ça peut être l'odeur d'une voiture neuve. Ah ! J'aurais jamais le temps de la relaver. Qu'est-ce qui se passe ? Sang ! On peut pas faire dormir ta mère là-dedans ! La mauvaise odeur, c'est probablement à cause de votre machine, et ça peut venir de ça, l'eau sale qui stagne. Une page de publicité. Restez avec nous le temps de vous passer une importante communication. L'émission reprendra dans 2 minutes. Et on reprend maintenant. Bonjour Caroline Marty. Bonjour Géraldine. Vous êtes professeure au CELSA, Sorbonne Université, chercheure au GRIPIC, groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication. On vous doit les médiations culturelles des marques, une quête d'autorité aux éditions IST, et puis La fin de la publicité, coécrit avec Valérie Patrin-Leclerc et Karine Berthelot-Guillet. C'est aux éditions du Bord de l'eau. Alors on a entendu tout un mix concocté par notre réalisatrice Laurence Malonda. On a entendu des rires d'enfants, des violons, de l'eau sale, un mauvais rock. Est-ce que c'est la recette pour faire une bonne pub ? Oui, alors là on a eu un florilège effectivement avec des thèmes, des sons très variés, de la musique, des voix humaines, du rire, de l'inquiétude. En fait, la publicité joue sur tous les grands sentiments et tous les grands sentiments, mais aussi tous les aspects de la vie ordinaire. La publicité nous renvoie toujours à ce qu'il y a de plus, on dirait, infra-ordinaire dans nos vies, et parfois à des thématiques qui sont très existentielles. Donc, il y a une gamme très très large dans laquelle les publicitaires vont puiser pour fabriquer leur message et chercher à toucher leur cible, puisque le vocabulaire est ainsi fait dans ce secteur. Et pourtant, le paradoxe, c'est qu'elle a beau puiser dans la vie, la publicité, on arrive quand même à la repérer. Alors, on pourra en reparler, parce que peut-être qu'elle devient de moins en moins repérable. Mais ce que propose quand même comme vision de la vie la publicité, c'est quand même une vie assez stéréotypée, fabriquée, édulcorée, simplifiée. Oui, tout à fait, standardisée. Effectivement, la publicité doit à la fois manifester quelque chose qui est de l'ordre de la créativité, de l'inventivité, doit essayer de mettre en avant des questions un peu nouvelles par rapport à leurs offres pour se différencier. Mais ça va se faire, bien sûr, sur une moindre prise de risque, avec la volonté, hein, dans un consensus au maximum, pour pouvoir être comprise. En fait, dans le stéréotype, il y a bien sûr le risque de la stigmatisation, ce que le stéréotype a de lourd, mais il y a aussi la possibilité, il est quand même un lien social, le stéréotype. Et c'est une manière pour les publicités de minimiser le risque de leur message avec des représentations sociales embrassées, emboîtées, très... banal d'une certaine manière. Donc il faut arriver à valoriser tout en étant sur du consensus et être dans des représentations très normées. La publicité, en fait, elle s'appuie énormément et elle véhicule des normes. Mais elle n'est pas... On entend parfois dire qu'elle est le reflet de la société. Je ne sais pas si vous avez croisé cette thématique. Et en même temps, ça fait écho avec ce que vous venez de dire, Caroline Marty, à savoir qu'effectivement, elle puise dans notre vie. Elle puise dans des figures sociales, dans des représentations sociales très partagées, dans des rituels, dans des contes, des paysages, des contes, des figures, des grands archétypes même. Ça, c'est évident. Et la publicité, en même temps, elle n'est pas là pour refléter la société, mais pour refléter ses normes. Refléter la société, c'est d'une complexité beaucoup trop grande. Et le métier des publicitaires, c'est de simplifier le réel pour arriver à proposer des visions peut-être simplifiées, mais qui parlent à tous. Hein. La visée, elle est vraiment collective. C'est ne pas se priver parmi les gens que l'on vise dans son message. Ne pas prendre de risques, en fait, communicationnels trop grands. Mais ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire cette distinction de puiser dans la vie, mais ne pas la refléter, et finalement, refléter plutôt des normes. Et ça, c'est plutôt une pratique assez risquée, puisqu'on est quand même, parfois, à certaines époques, dans des mouvements de contestation des normes. Par exemple, en ce moment, c'est très difficile, ça va être beaucoup moins accepté par une partie de la population d'avoir systématiquement une femme qui fait la lessive. Bien sûr. Alors, justement, ça, les différentes marques et la publicité va beaucoup jouer sur ces normes en transformation. Alors, pour m'expliquer un peu, je dirais que les publicitaires jouent le rôle d'herméneutes du social, je sais pas si on peut dire comme ça, d'interprètes du social, c'est-à-dire qu'ils vont choisir des thématiques qui leur semblent porteuses pour leur marque, qui leur semblent intéressantes pour la valoriser. Et donc, parfois, se poser en acteur qui vient troubler les normes, c'est une stratégie. On l'a eu avec une campagne fameuse que vous avez peut-être vue il y a 2 ans pour des protections féminines, avec la volonté de se démarquer des représentations traditionnelles du sang, habituellement bleu à la télévision. Et là, il y avait la volonté d'affirmer ce rouge en écho, finalement, à des discours très qu'on connaît tous actuellement, très importants sur la question des genres et un peu des euphémisations qui touchent la vie des femmes. Et de la même manière, sur aussi des représentations plus diversifiées. On va parler d'inclusion, par exemple, où là, effectivement, on n'a pas tant là, ça se veut véritablement une forme de reflet des normes en train d'être bouleversées, en déconstruction. C'est vrai que sur la représentation de la diversité, beaucoup de choses se passent, pas simplement dans la publicité. Hein, la télévision, il y a aussi des émissions qui font ce travail. Dans la publicité, c'est particulièrement visible, prégnant, quand on suit ces transformations depuis plusieurs années, parce qu'il y a des mouvements de contestation, parce qu'il y a des instances, des régulations qui s'intéressent à ces sujets, le CSA par exemple. On peut être sanctionné maintenant, par exemple les publicitaires peuvent être sanctionnés pour un manque de diversité ? Alors, sanctionné par l'opinion publique au moins, et avoir des critiques, notamment par les associations diverses qui s'intéressent à tout ce qui est de l'ordre de la communication publicitaire. Mais il y a une difficulté majeure pour les publicitaires qui ne sont pas indifférents à ces thématiques. C'est à partir du moment où vous faites figurer une personne dans la publicité, tout le monde sait que c'est reçu collectivement, qu'il y a une industrialisation du processus de diffusion. Et à partir de ce moment-là, toute représentation stéréotypise d'une certaine manière le message. C'est-à-dire, quelle que soit la personne que l'on va mettre en scène, elle devient emblématique d'un groupe social. Donc ça peut figer, en fait, finalement, la marque dans des représentations. Ou ça peut figer une norme qui serait justement en mouvement, alors que le but, c'est qu'elle soit en mouvement et pas figée. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Alors, c'est important qu'il y ait une représentation, par exemple... Alors, on appelle ça les minorités, déjà, c'est un peu stigmatisant comme terme, mais de tous les genres, dans diverses situations, de toutes les couleurs de peau, c'est important. Et à partir du moment où toutes les marques rentrent dans ce processus de prise en compte des transformations de la société et des idées sur cette thématique, elles vont finir par produire un format avec une systématisation de cette représentation. Donc c'est tout le paradoxe, des publicités, c'est que à la fois on a l'impression qu'elles nous figent dans des stéréotypes, en même temps elles jouent aussi sur ces stéréotypes, en même temps elles contribuent à les créer et empêchent le mouvement. Pourquoi quand on pense à la publicité, on pense d'abord à des publicités télé ? Ça c'est vrai qu'il y a vraiment une identification entre la publicité et la visibilité et l'image. Oui. Alors, je crois que c'est le média par excellence de la publicité, pour l'instant. On a beaucoup dit que la télévision était morte, etc. Elle reste majeure, notamment pour les publicitaires, quand ils veulent toucher des personnes en masse. Hein. Par ailleurs, elle est le résultat d'une histoire médiatique. Les médias n'apparaissent jamais comme ça, ex nihilo. Ils sont toujours l'aboutissement de... médias qui ont précédé et qui continuent à exister. Donc la télévision, elle a ce pouvoir de présenter de l'image animée avec des sons, des couleurs, du mouvement, des rythmes. Et par ailleurs, elle a maintenant une légitimité sociale à la télévision. C'est-à-dire que l'on aime ou que l'on n'aime pas, que l'on la trouve trop présente ou que l'on s'en accommode, la télévision est vécue comme étant traversée par des logiques publicitaires et par la présence à l'écran d'interruptions pour présenter un certain nombre de spots pour des marques diverses et variées. Donc, ce qui n'est pas le cas de la radio, par exemple, où là, par exemple, exactement. Nous n'avons pas de publicité et ça pourrait choquer nos auditeurs et auditrices d'avoir une coupure pub. Tout à fait. C'est-à-dire que la radio a évolué dans un autre sens. Alors, c'est vrai qu'il y a des évolutions à venir encore. Hein. La télévision continue à se transformer. Quelles seront nos représentations de la télévision dans 10 ans ou 20 ans, on ne sait pas. Là, on rentre dans une période où on commence à avoir de la publicité dite segmentée. Ça veut dire géolocalisée, où les personnes vont recevoir par l'intermédiaire de leur box, finalement, qui peut... déceler des préférences et des géolocalisations qui vont recevoir des publicités très très ciblées. Donc l'histoire de la publicité télévisée qui s'adresse à tous en même temps, hein, il y a une espèce de synchronicité et d'égalité sur le territoire, elle est un peu menacée par cette histoire et du coup est-ce que la centralité du média télévisuel va rester? On ne sait pas. Aujourd'hui, la publicité télévisée, pour des marques qui sont engagées dans des tas d'autres formes publicitaires, qui vont par exemple s'exprimer beaucoup sur Internet, par divers moyens, des sites, sur les réseaux sociaux, etc., à la radio, dans la presse. Il n'empêche qu'il y a une espèce de... On revient souvent à la télévision et les campagnes télévisées de publicité s'accompagnent généralement d'un flux d'influence sur les sites des marques annonceurs. C'est-à-dire qu'elle sert visiblement à orchestrer un rapport à d'autres médias. Il y a un renvoi à d'autres médias. Les produits Homo sont depuis quelques années l'objet d'une publicité si massive qu'ils font aujourd'hui partie de cette zone de la vie quotidienne des Français où les psychanalyses, si elles se tenaient à jour, devraient bien porter un peu leur regard. On pourrait alors utilement opposer à la psychanalyse des liquides purificateurs, Javel, celles des poudres saponidées, Lux, Persil ou détergentes, Ray, Peck, Cryo, Homo. Les rapports du remède et du mal, du produit et de la saleté, sont très différents dans l'un ou l'autre cas. Par exemple, les eaux de Javel ont toujours été senties comme une sorte de feu liquide dont l'action doit être soigneusement mesurée, faute de quoi l'objet lui-même est atteint, brûlé. La légende implicite de ce genre de produit repose sur l'idée d'une modification violente, abrasive de la matière. Les répondants sont d'ordre chimique ou mutilant. Le produit tue la saleté. Au contraire, les poudres sont des éléments séparateurs. Leur rôle idéal est de libérer l'objet de son imperfection circonstancielle. On chasse la saleté, on ne la tue plus. Dans l'imagerie Homo, la saleté est un petit ennemi malingre et noir qui s'enfuit à toutes jambes du beau linge pur, rien qu'à la menace du jugement d'Homo. Les chlores et les ammoniaques sont sans aucun doute les délégués d'une sorte de feu total, sauveur mais aveugle. Les poudres sont au contraire sélectives. Elles poussent, conduisent la saleté à travers la trame de l'objet. Elles sont une fonction de police, non de guerre. Cette distinction a ses répondants ethnographiques. Le liquide chimique prolonge le geste de la lavandière battant son linge, et les poudres remplacent plutôt celui de la ménagère pressant et roulant la lessive le long du lavoir incliné. Alors le nouvel Homo, c'est celui qui lave la tâche qui est caché dans le nœud du torchon. Vous avez vu ça à la télé, un torchon? C'est deux gonzesses qui font un peu, mais c'est abruti, il y en a une. C'est même pas qu'il y a un nouvel Homo, l'autre. Elle dit, mais non, t'as fait une grosse tâche sur ton chon. Elle est triste, elle a vu la grosse tâche. Et l'autre est toute guette. Alors elle dit, oh, ça fait rien, mon nouvel Homo. Alors elle sait même pas que ça existe, ce nouvel Homo. Il y a un nouvel Homo. Alors non. Ben oui, elle est con. Vous l'avez reconnu, la voix de Coluche dans son sketch La Publicité qui date de 1979. Et peut-être que juste avant, vous ne l'avez pas reconnu. C'était un texte de Roland Barthes interprété par Bernard Gabé, extrait de ses fameuses mythologies Saponie des détergents qui est paru en 1957. On a bien entendu la distinction qu'a repéré Barthes entre d'un côté les liquides purificateurs tels que la Javel et les poudres saponidées qui, elles, en fait, séparent plutôt que lave aveuglément. Ce qui est intéressant, c'est que Barthes met en avant non pas seulement la dimension visuelle dont on a parlé, visible des publicités télé, mais aussi leur dimension rhétorique. La publicité à la télé, c'est d'abord un message qu'on doit faire entendre et qui repose sur un schéma narratif assez rodé, hein, à savoir un problème, il faut trouver un remède et finalement on trouve le remède. Caroline Marty. Oui, merci beaucoup déjà pour avoir choisi ces deux extraits qui sont très réjouissants. Hein. On est sur un sujet non noble, la publicité, et en plus on a Coluche, je me régale. Et Roland Barthes. Et c'est vrai qu'en fait ils ont un point commun, le sémiologue et l'humoriste, c'est qu'ils cherchent à aller au-delà de ce qui va de soi. C'est-à-dire on est sur... une dénaturalisation, pour m'exprimer comme Roland Barthes, reprendre sa terminologie, dénaturalisation du message. Il veut aller derrière pour mettre au jour ce que vous soulignez, hein, c'est-à-dire cette rhétorique. Et je trouve que le parallèle est réjouissant parce que, alors, bien sûr, Barthes nous permet d'aller plus loin. On doit beaucoup, d'ailleurs, je fais une digression, à Roland Barthes, pour donner ces lettres de noblesse à l'analyse de la publicité. C'était pendant très longtemps associé à tout ce qui peut être de l'ordre de l'impur, du commerce. On est dans une civilisation judéo-chrétienne très marquée par ce côté impur de ces aspects-là et cette difficulté à appréhender l'infraordinaire dans nos vies. Donc Barthes est fondateur. Quand il écrit ce texte, la publicité télévisée telle que nous la connaissons n'est pas encore déployée, puisqu'il faut attendre encore une dizaine d'années. Mais ce qu'il dit là des publicités affichées ou dans la presse est tout à fait valable pour la publicité télévisée. En fait, ce que les deux témoignages mettent en avant, c'est la propension de la publicité à avoir des schémas narratifs constitués. Et c'est vrai que vous avez choisi ce terme. Ça nous vient de la sémiologie grémacienne. On retrouve une caractéristique commune aux contes de fées et aux récits publicitaires avec une situation généralement dépréciée, problématique, et puis un héros qui est cité, qui a des adjuvants, des aides ou des opposants, des menaces, et qui doit atteindre sa quête pour arriver à avoir un accomplissement. Bon, dans le schéma publicitaire canonique, c'est exactement comme ça, et dans le cas des lessives, c'est expliqué. Alors, Barthes est sur ces tensions structurantes, c'est très propre à la sémiologie de dégager des pôles tensifs de cette manière-là, et Coluche explique finalement ce schéma, c'est-à-dire il le déroule avec toujours le caricature. Le caricature, voilà exactement la saleté, on va en rajouter à la saleté pour que l'on... Alors, c'est intéressant parce que ce schéma canonique aujourd'hui, il n'est absolument pas toujours respecté par les publicitaires, mais c'est toujours par rapport à lui qu'on va avoir des transgressions formelles. Donc la publicité est très inventive. Et si les médias se transforment en permanence, les publicités aussi, il ne faut pas lasser son public. Et on peut, au fil du temps, il y a une culture publicitaire qui s'est instituée et qui fait qu'il y a les personnes ont une culture publicitaire plus ou moins poussée, plus ou moins sophistiquée. Et ça va leur permettre... Plus ou moins consciente aussi. Plus ou moins consciente aussi. Et ils vont pouvoir adhérer d'une certaine manière à cette logique publicitaire. On parle très souvent des détracteurs de la publicité, il y en a, il y a des associations anti-pub bien connues. Et puis on connaît rarement des gens qui disent « j'adore la pub, j'allume la télé pour regarder la pub ». Oui, mais en même temps, on a entendu parler de la nuit des publivores. C'est une manifestation culturelle qui consiste à regarder des pubs pendant des heures. Et à les apprécier. On peut connaître des personnes qui ont envie d'arriver au cinéma à l'heure pour voir les publicités au cinéma. Bon, à la télévision, c'est autre chose parce que on est passif. Voilà, il y a une certaine passivité et l'esthétisation de l'image n'est pas ce qui domine ou c'est rare. Mais par rapport à ces schémas narratifs qui sont assez rodés, même si on essaye plus ou moins de les transgresser, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on les a intériorisés, qu'on adhère en fait à cette logique publicitaire, à cette culture publicitaire. On en oublie presque en fait qu'il y a un produit et une marque à vendre. Et ça, c'est vraiment un paradoxe, c'est-à-dire que quand on regarde une pub à la télé de manière passive et non pas active comme la nuit des publivores dont vous avez parlé, Caroline Marty, finalement, on est capté par ces pubs-là. On essaye de s'en détacher. En général, on dit qu'on en a marre, que ça dure trop longtemps. Et finalement, quand on commente ces publicités, on en arrive presque en fait à commenter la manière dont elles sont mises en scène, leur bêtise, leur laideur, leur esthétique ou au contraire leur inventivité, plus que le produit qui est en jeu. Est-ce qu'on oublie le produit en fait dans la pub, paradoxalement ? C'est intéressant comme question. Je ne m'étais jamais posée dans ces termes. D'une certaine manière, oui, c'est-à-dire qu'on le transforme, en fait. Quand je dis « on », c'est pas juste. Il est transformé. La relation, et là je vais faire un emprunt fort à Jean Baudrillard, la relation entre le producteur et le consommateur, elle est coupée, finalement. Dans les écrans publicitaires de la télévision, tout est fait pour nous faire oublier ce rapport au producteur, ce qui est, l'objet va être magnifié, enrichi dans des dispositifs qui tendent à dramatiser, à mettre en spectacle, etc. Et l'objet, il est complètement remanié symboliquement, c'est-à-dire on est dans un autre chose, on est en dehors de ce qui peut être notre vie ordinaire dans un supermarché, dans un lieu de vente, etc., pour être dans ce territoire symbolique. Et c'est vrai que c'est la force, alors là, non seulement enfin, de la publicité, mais de toute la société de consommation, c'est celle-là. Et Baudrillard le résume d'ailleurs avec une phrase, on consomme un objet, on manipule des signes. La publicité, c'est bien ça. Et le texte de Barthes tout à l'heure mettait bien en avant cet ensemble de systèmes, de signes qui fait sens et qui, du coup, est possiblement la façon de travailler les adhésions des publics qui peuvent se projeter. Alors, le titre de votre émission à ce titre du jour est intéressant. La publicité parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien, c'est-à-dire... On a beaucoup parlé de collectif tout à l'heure et de normes, mais en fait, il y a une espèce d'incorporation du message qui fait qu'on le regarde aussi avec ses propres yeux, une espèce de narcissisme qui est partagé collectivement, mais comment ça peut me servir ? La publicité et le marketing sont devenus, au cours du XXe siècle, le bras armé du développement du nouveau capitalisme, qui n'était plus un capitalisme productiviste comme au XIXe, productivisme qui profitait quasi exclusivement à la bourgeoisie à cette époque-là, mais qui est devenu ce qu'on a appelé le fordisme, c'est-à-dire un capitalisme redistribuant très largement, y compris à ses propres ouvriers, les fruits de la croissance, mais en réalité surtout mettant l'innovation et la nouvelle productivité taylorienne au cœur du modèle industriel, ayant à résoudre le problème de la baisse tendancielle du taux de profit et ses effets de surproduction par une nouvelle activité qui a été la captation de l'attention des consommateurs. C'est surtout dans les années 30 qu'elle s'est développée, c'est-à-dire que la publicité a commencé à se développer dans ces années-là. Elle a été théorisée en fait dès les années 1910-1920 par un neveu de Freud qui s'appelait Edward Bernays, et elle s'est généralisée surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est généralisée d'une manière qui a pris des proportions à la fin du XXe siècle extrêmement importante, on pourrait pratiquement dire hégémonique, au sens où Antonio Gramsci parlait d'hégémonie, et elle a fini par engendrer une toxicité qui fait qu'aujourd'hui elle est rejetée. Car même le président de la République, c'est un soir sur France 3, pour justifier son projet de supprimer la publicité, pour ça, il a dû se justifier en disant « Mais c'est pas bien que toutes ces gens soient soumis comme ça à la tyrannie, a-t-il dit, à la tyrannie de l'audimat. » Ben oui, c'est même le président de la République qui, donne néanmoins à ses chaînes privées tout à coup une manne publicitaire supplémentaire, admet que c'est une tyrannie et que, en fait, c'est une toxicité. Bernard Stiegler, le philosophe Bernard Stiegler, le 28 mars 2009 sur France Culture dans une émission qui s'appelait Station Météo. Donc Bernard Stiegler, à qui l'on doit la télécratie contre la démocratie, lettre ouverte aux représentants politiques qui date de 2006 et qui soulève très bien ce paradoxe qui est l'hégémonie de la publicité qui s'accompagne en même temps d'un rejet massif de la publicité au point que Sarkozy, en 2009, enfin sous Sarkozy, ait passé cette loi supprimant la publicité sur les chaînes publiques entre 20h et 6h du matin. Comment expliquez-vous, Caroline Marty, ce paradoxe qui fait que la publicité, parce qu'elle ne vend pas qu'un produit, Mais finalement, quand même, on vend, mais nous vend aussi en fait un imaginaire collectif, un univers social, nous intègre à la société, soit à la fois hégémonique et en même temps autant rejeté. Oui, effectivement, il y a un paradoxe, parce qu'il y a aussi une ambivalence. Une ambivalence peut-être des pouvoirs publics aussi, c'est-à-dire des systèmes de on va dire de contrôle. Il y a une défiance hein, vis-à-vis de la publicité. On a évoqué tout à l'heure la publicité comme objet culturel. C'est aussi un objet social qui fait, qui entraîne beaucoup de discours défavorables. Elle est accusée. Finalement, il y a une espèce de chaîne des culpabilités, vous voyez, sur les méfaits du capitalisme, sur alors le fait de dire méfaits dérive ou de dire capitalisme, c'est pas la même chose, c'est choisir une posture. Certains induisent que capitalisme égale méfaits, d'autres que il y a des dérives du capitalisme. Donc je ne choisirai pas. En revanche, elle est en bout de chaîne, c'est-à-dire que les producteurs ont des responsabilités. Si je pense aux questions environnementales, souvent la publicité est accusée d'enjoliver les messages, de donner des coordonnées symboliques aux produits. C'est vrai, mais le mal est ailleurs. Et certains défenseurs de la publicité, je pense au monde des publicitaires, disent « mais il faut réguler avant, en amont ». Nous sommes juste des spécialistes de la rhétorique, chargés de ces messages vis-à-vis de public. D'autres vont avoir une critique beaucoup plus forte en expliquant que la publicité est le bras armé du capitalisme. Et par ailleurs, enfin, on a des travaux très intéressants d'ailleurs qui ont précédé hein, la pensée de Bernard Stiegler. Je pense à toute l'école de Francfort et aux travaux de Marcuse et Adorno. Qui se demandaient à l'origine pourquoi les gens dans des conditions difficiles ne se rebellaient pas. Et ils expliquaient cette action, ce manque d'action politique par le fait qu'ils étaient pris par des gadgets, ceux de la consommation, et qu'il y avait, ce qu'Adorno a expliqué dans un article fameux, une industrie culturelle qui permettait finalement d'avoir une connivence, une convergence entre la publicité et les industries culturelles en général, et qui faisait que l'espèce de prisme consommatoire prévalait partout et n'était plus interrogé. C'est-à-dire qu'on avait une adhésion, au-delà de la publicité, on avait une adhésion à tout un système. Voilà, alors... Ces conceptions-là, elles sont parfois relativisées par plusieurs choses, par le fait, au nom de la liberté de chacun et de la liberté d'avoir son propre jugement, vous voyez, ça renvoie à d'autres conceptions que celles de l'individu passif et manipulé. D'autres, comme un grand sociologue passionnant qui s'appelait Hogarth, qui a écrit un livre qui s'appelle « La culture du pauvre », il était, lui, issu d'un milieu populaire et il a analysé les pratiques culturelles de la classe à laquelle il appartenait. Et il montrait qu'il y avait une attention oblique. Je crois que ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que il y a une attention à éclipse vis-à-vis de la publicité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on regarde, quand on analyse pour en dire du bien ou en dire du mal, ou quand on veut mettre vraiment une focale sur la publicité, on lui donne un poids considérable dans l'ordinaire des vies, et on peut penser à nos parcours dans le métro aussi, ou notre vie devant la télévision. On va pas y prêter une attention folle. C'est le moment où on peut se lever, etc., faire autre chose. Mais c'est ça justement ce qui est insidieux, Caroline Marty. C'est que cette attention oblique, elle est quand même là. C'est-à-dire que même si on ne va pas allumer la télé uniquement pour regarder des publicités, malgré ce cas, je pense, minoritaire quand même des publivores, et malgré aussi, marginal des publivores. Et puis il faut signaler aussi quand même cette émission Culture Pub, qui était vraiment très intéressante et qui montrait justement les nouvelles rhétoriques numérique, les nouvelles, l'inventivité des publicités, quand ces publicités-là, on ne les regarde pas activement, mais elles agissent sur nous presque de manière détournée. Oui. C'est là où on retrouve d'ailleurs ce terme d'oblique, et c'est ça aussi que Bernard Stiegler soulève avec ce terme très parlant, très pertinent, de toxicité de la publicité. De toxicité. Alors là-dessus, je crois que le média télévisuel est particulièrement puissant à cause du pouvoir de l'image. Umberto Eco, si j'ai bon souvenir, s'exprime là-dessus, pas sur la publicité spécifiquement, mais sur la télévision et son pouvoir de sidération. Elle est au sein du foyer, elle a une place centrale, souvent, dans les pièces, pour pouvoir être vue de partout. Elle a une capacité d'absorption. Alors, est-ce que ça renvoie à une pulsion scopique, hein, une espèce de désir du regard. Il y a en fait une attention même oblique, effectivement, qui fait qu'on va quand même être sensible. Et sans s'en rendre compte. Oui, mais je pense qu'on est plus sensible à l'impératif publicitaire, pour reprendre Baudrillard, qu'à une publicité en particulier. Et c'est d'ailleurs la difficulté des publicitaires qui souvent font des tests, par exemple après les publicités de parfums, et qui se rendent compte que les gens ont adoré voir telle ou telle égérie dans tel ou tel univers onirique, mais qui ne se souviennent plus du tout quelle était la marque. Donc, la critique, elle est quand même tout à fait entendable, bien évidemment, mais elle n'est pas forcément là où on pense. C'est-à-dire, elle n'est pas sur le fait qu'on va nous manipuler pour telle marque, mais c'est le fait qu'on accepte tous d'être dans une société où le fait consommatoire prévaut et où le reste peut devenir secondaire. Et où même le fait consommatoire prévaut à la fois sur des préoccupations politiques, mais même sur des préoccupations éditoriales. Oui. On va entendre tout de suite un texte de Baudrillard, dont vous avez déjà parlé, Caroline Marty, et puis tout de suite une nouvelle forme de publicité. TV, radio, presse, publicité, c'est un discontinuum de signes et de messages où tous les ordres s'équivalent. Séquence radiophonique prise au hasard. Une publicité pour le rasoir Remington. Un résumé de l'agitation sociale des 15 derniers jours. Une publicité pour les pneus Dunlop SP Sport. Un débat sur la peine de mort. Une publicité pour les montres LIP. Un reportage sur la guerre au Biafra. Et une publicité pour la lessive Cryo au tournesol. Dans cette litanie où alterne l'histoire du monde et la figuration d'objets, l'ensemble constituant une espèce de poème à la Prévert, avec pages noires et pages roses alternées, celles-ci publicitaires évidemment, le temps fort est apparemment celui de l'information. Mais c'est aussi, paradoxalement, celui de la neutralité, de l'impersonnalité. Le discours sur le monde ne veut pas concerner. Cette blancheur tonale contraste avec la forte valorisation du discours sur l'objet. Enjouement, exaltation, vibrato, tout le pathétique du réel, de la péripétie, de la persuasion, est transféré sur l'objet et son discours. Ce dosage soigneux du discours d'information et du discours de consommation, au profit émotionnel exclusif de ce dernier, tend à assigner à la publicité une fonction de toile de fond, de réseau de signes litaniques, donc sécurisants, où viennent s'inscrire par intermède les vicissitudes du monde. Celles-ci, neutralisées par le découpage, tombent alors elles-mêmes sous le coup de la consommation simultanée. Le journal parlé n'est pas le pot-pourri qu'il semble. Son alternance systématique impose un schème unique de réception qui est un schème de consommation. La maison de Marie-Eugénie est une véritable ferme bressane du XVIIe siècle. À l'extérieur, en fait, on a tout fait pour que ça ressemble exactement à ce que c'était il y a un siècle. À l'intérieur, aucun rustique, mais par contre, tout ce qu'on trouve dans les journaux de déco maintenant, pour se faire plaisir, parce que moi, j'adore ça, voilà. Il y a des gens qui cherchent toute leur vie un endroit où ils sont bien. Moi, il y a des années que je sais que l'endroit où je suis bien, c'est là. C'est mon nid, voilà, on va dire ça comme ça. Les envies prennent vie, du côté de chez vous, avec les magasins Leroy Merlin. Alors, on a tout d'abord entendu un texte de Jean Baudrillard, extrait de La Société de Consommation, qui date de 1970, interprété par Bernard Gabé. Et puis, juste après, peut-être connaissez-vous ce programme parrainé par Leroy Merlin, Du côté de chez vous, où on parle de nos nids. Et oui, la maison devient un nid avec Leroy Merlin. Alors ça, c'est une nouvelle forme de publicité. On avait, comme le dit Baudrillard, des programmes, des publicités, des programmes, des publicités. D'une certaine manière, c'était saucissonné et repérable, mais quand même, la publicité déjà exerçait une toile de fond sécurisante, comme le dit Baudrillard. Et puis maintenant, on a des publicités déguisées, c'est-à-dire qu'on croit regarder un programme sur l'aménagement, sur la déco, et puis finalement, c'est un programme Leroy Merlin, Caroline Marty. Oui, il y a beaucoup à dire sur ces questions-là, avec ces deux extraits. Peut-être je vais démarrer par Baudrillard, évoquer oui. D'abord son texte, hein, ce beau texte qui... synthétise fortement sa pensée avec un système culturel qui est débordé, en fait, ou plutôt fondé sur la consommation, avec une mise en équivalence de la publicité et des émissions. Et pour Baudrillard, ça équivaut à une neutralisation du monde, c'est-à-dire que ce que l'on consomme, c'est l'image du monde. Et ce n'est plus l'événement qui s'est passé, l'événement vécu en fait. On consomme le signe toujours, on y revient. Ce qui est paradoxal parce que quand on va acheter un produit, finalement, la frustration va être d'autant plus grande. On pensait acheter un univers, on pensait acheter une intégration sociale ou une distinction sociale. Et puis finalement, on se retrouve en fait à avoir encore un désir insatisfait et beaucoup de frustration. Oui, c'est tout à fait fondé. Donc cette frustration pour Baudrillard, justement, elle fait partie complètement du système. Elle est caractéristique, elle est ce qui entraîne ce désir permanent qui n'est jamais comblé. Il n'est pas comblable, en fait. Hein. Et puisqu'à partir du moment où on rentre dans cette logique de manipulation de signes, on peut avoir une soif inextinguible, finalement, des choses, j'y suis arrivée. Donc là, on est vraiment dans le pouvoir publicitaire et juste pour revenir sur un point, il est très critique aussi Baudrillard vis-à-vis de la télévision. Et pour lui, le publicitaire et le journaliste, parfois, ont un point commun, sont des mythologues. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont construire l'événement, ils vont le magnifier et en faire un spectacle, en fait. Et ce qu'il nous dit là dans ce texte, c'est que nous consommons la virtualité de tous ces spectacles et cette espèce de profusion. Dans le cas que vous avez choisi pour l'émission avec cet extrait hein, d'une émission parrainée, on est vraiment dans le brouillage des genres. Alors, c'est intéressant parce que ça se fait à plein de titres. Il y a le séquençage, il y a des émissions parrainées comme celle que vous évoquez, il y a des émissions au sein desquels il y a une sorte de placement de produits. Je ne sais pas si vous avez vu en totalité ou partie le match de rugby de samedi soir, je crois que c'était samedi soir, il y avait la présentation du trophée qui allait être gagné pendant la Coupe du Monde de rugby, emballé dans une malle d'une grande marque de luxe. C'est une sorte de placement de produit qui se fait de manière très très naturelle. C'est une forme de brouillage. Les émissions parrainées, ce qu'on appelle aussi des programmes courts, hein, avec ces petites scénettes comme ça, en sont d'autres. Alors c'est très intéressant pour les télévisions. Et les promotions en plateau ? Et les promotions en plateau. C'est-à-dire, par exemple, des moments, des émissions de bien-vivre où on va dire ça se trouve dans tel magasin. Oui. Donc finalement, ça aussi, c'est de la publicité au même titre qu'un vrai spot de télé. Oui, ça c'est ce qu'évoque Pierre Bourdieu hein, dans sa critique du journalisme et de la télévision. C'est-à-dire, ça va donner le « là » d'une forme de consommation. C'est pas exactement la même chose parce que vous avez un brouillage. Bon, on peut voir un animateur portant un logo dans une émission ou quelqu'un qui est invité, reconnaître la forme associée d'un vêtement ou de que sais-je associé à une marque. Disons que la consommation fait partie de la vie sociale. On peut pas non plus l'extraire, voyez. Mais La publicité, c'est quand il y a une intentionnalité. Et dans le programme de Laurent Merlin que vous évoquiez, il y a une intentionnalité. Alors, il y a une mention de la marque au début et à la fin du mini-programme. Et en même temps, on est dans un univers d'émissions traditionnelles, de décorations, etc. Alors, c'est lié à plusieurs choses. D'abord, le secteur de la distribution était interdit de communication à la télévision. Donc, il y a des régions législatives. Et dans ce cas-là, les marques trouvent des contournements pour être présentes. Elles vont s'immiscer. Et d'autre part, c'est intéressant pour les télévisions dans la mesure où ça va passer dans les quotas de production française et rapporter de l'argent en même temps. Alors, c'est tout bénef, comme on dit. En fait, on voit qu'on assiste quand même à un double mouvement par rapport à la publicité. D'un côté, la publicitarisation, c'est-à-dire qui va diversifier ses formats. Oui. On va la retrouver partout, on vient d'en parler. Et en même temps, la dépublicitarisation qui, justement, en fait, par cette diversification des formats, va presque faire croire à une disparition de la publicité. Et ça, c'est aussi après la disparition du produit, après la disparition de la marque. C'est-à-dire que la publicité, finalement, vend plus un univers et du signe, comme vous le disait Caroline Marty, on a l'impression en fait que la publicité en fait se vend elle-même. C'est-à-dire se vend, en fait, c'est vraiment une pure signification qui va juste vivre d'elle-même. C'est-à-dire qu'on a presque quelque chose d'absurde. On est dans la virtualité radicale en fait de la publicité. Oui. Alors là, avec le cas que vous évoquez, il y a deux choses. Cette dépublicitarisation, c'est une manière pour les marques de se présenter, d'exculper de la intentionnalité marchande a priori, en brouillant l'horizon d'attente des récepteurs, c'est-à-dire on est tous très compétents en termes de genre, on sait reconnaître des genres culturels, le genre publicité, tunnel de publicité, spot de télé, émission. Là, du coup, il y a une espèce d'adhésion qui est un peu arrachée au début et un entraînement. En même temps, le fait même de dépublicitariser entraîne une hyper-publicitarisation, c'est-à-dire des logos, une présence des marques là où on les attend pas, dans des espaces qui ne leur sont pas à l'origine consacrés. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait légiférer là-dessus? C'est-à-dire que, parce que vous avez parlé de législation, de loi, Caroline Marty, et finalement, en fait, les marques sont très fortes, elles contournent ces législations. Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui va revenir à la loi, comme la loi de 2009, ou à des instances comme le CSA, mais véritablement, en fait, aux consommateurs de résister? Alors, légiférer, je ne sais pas. Je suis en plus pas du tout spécialiste des questions juridiques. En tout cas, y veiller. Se poser des questions. Et il y a quand même, c'est parce que les chaînes télévisuelles le veulent bien. C'est-à-dire, vous voyez, là, les marques, elles vont là où on les accueille aussi. C'est-à-dire que les industries culturelles, médiatiques, se font accueillantes, publicitarisantes. C'est-à-dire, là, je reprends les termes de ma collègue Valérie Patrin-Leclerc, il y a une publicitarisation, c'est-à-dire une acceptation, voire un accueil très favorable des dynamiques publicitaires pour financer les médias. Puisqu'on revient toujours à cette question-là, l'origine, cet accueil, il est fait pour pouvoir financer les médias. Et les défenseurs du fait publicitaire mettent en avant cette question très fortement. Alors l'émission se finit dans 5 minutes, Caroline Marty, mais je voulais absolument qu'on parle en fait de cette phrase fameuse, cette déclaration fameuse de Patrick Lelay, qui était PDG de TF1 et qui en 2004 écrivait « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ». Et je vous propose d'écouter la réaction du biologiste généticien Albert Jacquard à cette déclaration. La télévision modifie, c'est une évidence, notre regard sur le monde. Il est donc nécessaire de nous interroger sur l'état d'esprit de ceux plus ou moins connus qui décident les programmes. Quelle est la raison des choix qu'ils imposent? Il se trouve que l'un des principaux acteurs en ce domaine a spontanément fourni cette réponse. Cette déclaration est merveilleusement claire. Son auteur estime que, plongé que son activité dans un monde marchand, son rôle est de gagner de l'argent et d'en faire gagner aux diverses entreprises qui utilisent cette chaîne comme support de publicité. Il pousse alors courageusement son raisonnement jusqu'à son terme logique. Pour que cette publicité soit efficace, il faut que les téléspectateurs aient l'esprit libre, qu'ils ne pensent à rien d'autre. Ce desservelage, dit-il, est obtenu par les émissions intercalées entre les séquences de pub. Le pire, dans la lecture de ce texte, c'est que son auteur, au fond, dit la vérité. Pour lui, diffuser un opéra de Mozart, programmer un débat entre des philosophes ou entre des hommes politiques, n'est justifié que par l'état de réceptivité dans lequel est mis le spectateur. Mozart ou Molière ne seraient que du temps perdu s'ils ne servaient pas à persuader les spectateurs qu'en entrant chez McDo, par exemple, ils vont se régaler. C'était une archive du 17 mai 2005, donc le regard d'Albert Jacquard, c'était sur France Culture. Il réagissait donc à cette déclaration de Patrick Lelay qui apparaît dans son livre Les dirigeants face au changement baromètre 2004 et où effectivement il nous dit que ce que TF1, la base de métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola à vendre son produit. Alors là, on est carrément plus que dans une omniprésence de la publicité. Caroline Marty, on est vraiment dans une inversion des hiérarchies, c'est-à-dire que c'est vraiment l'éditorial, le médiatique qui est un moyen pour la publicité d'atteindre ses fins. Face à ça, est-ce que le téléspectateur consommateur a des moyens en fait de résister? Cette phrase a fait beaucoup réagir. Bien sûr. S'est tous sentis choqués et manipulés par ce genre de phrase. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'être un consommateur? Est-ce que la publicité, elle est fatale? Il y a beaucoup de choses là. Question chargée. C'est vrai que là, on a une mise en évidence du cynisme ou d'une réalité, peut-être aussi dans certaines chaînes. Je suis pas sûre qu'elles soient toutes sur la même perspective. Hein. Je ne crois pas du tout que les gens de télévision assumeraient cette phrase. De manière sereine, j'y crois pas du tout. Là, il y avait quand même, d'abord, c'était une boulette de le dire, quand même, ça a beaucoup nuit à l'image et de l'écrire. Enfin, c'était vraiment pas judicieux. Et c'est problématique, effectivement. C'est-à-dire que l'argument du financement des médias, là, il tombe, hein. On est au profit d'une autre logique qui est mise en avant. C'est-à-dire de financer, oui, mais bon, à quel prix? Et on est très loin des bases de la création de la télévision et de sa vocation première, quand même, qui est avec cette visée démocratique, cette visée de s'adresser à tous et d'éduquer, d'instruire, d'informer d'une manière générale. Là, ce que l'on peut retenir, c'est un formatage en fait. Hein. Donc il n'y a plus de l'information, il y a du formatage. Voilà. C'est ça. Donc comment oui, complètement. Là, on est c'est complètement. C'est former, hein, formater des esprits. Là, je pense que la meilleure solution, c'est couper sa télévision. Mais on voit bien qu'elle surgit partout, la pub. Oui, elle surgit partout. Elle effectivement, c'est une puissance. Alors. Est-ce qu'on peut s'en passer? Alors ça, c'est un grand débat. Mais en tout cas, on peut... Je vais reprendre Foucault, ça fait un peu... Bon, au pouvoir, il faut imposer des limites infranchissables. C'est ce qu'il dit à la fin de surveiller et punir, je crois. Je pense que le pouvoir des législateurs, il peut se manifester. D'autre part, il y a un risque. Il y a un risque majeur. C'est que les personnes se lassent et refusent cette espèce d'injonction publicitaire permanente partout, etc. La publicité, elle a besoin de faire consensus. Donc, les personnes qui sont dans les organismes de régulation de la publicité sont très vigilantes sur ces sujets-là et cherchent à la fois une espèce d'efficacité permanente pour la mise en visibilité des marques qu'elles promeuvent, mais en même temps, ne doivent pas atteindre le point de rupture, en fait, hein, où il y a un rejet total. Est-ce qu'on peut s'en passer? Je ne sais pas. Très honnêtement, la question me dépasse. Mon travail de dénaturalisation du fait publicitaire n'est pas encore abouti, pour que je puisse vous répondre correctement. Eh bien, merci beaucoup Caroline Marty pour votre franchise et cette incertitude sur laquelle on finira. De vous, on peut lire Les médiations culturelles des marques, une quête d'autorité, c'est aux éditions Hist, et puis La fin de la publicité, tour et contour de la dépublicitarisation, coécrit avec Valérie Patrin-Leclerc et Karine Berthelot-Guillet, c'est aux éditions du Bord de l'eau, et qu'on se retrouve, comme on dit, après une page de pub. Votre chaton est plein de vie et ça, Quiskas l'a compris. C'est pour ça que Quiskas chaton est plein des bonnes choses qui sont bonnes pour votre chaton qui est plein de vie. Ça a l'air dégueulasse comme ça à première vue, mais c'est plein de bonnes choses qu'on peut pas comprendre, nous, humains. Mais si on leur demandait aux chats, les chats, ils achèteraient Quiskas. ils se lèveraient sur leurs petites pattes, ils se bougeraient le cul et ils iraient acheter du Quiskas. Au lieu de ça, les chats, ils dépensent leur pognon au baby-foot, ils passent leur temps à fumer des pétards et à grimper au plafond. Les chats, c'est vraiment des branleurs. C'était un communiqué du CCC, le Comité contre les chats. Nike, Gap, Diesel, Chanel, Cacharel, Van Cleef et Arpel, Hermès, Converse, Yamamoto, Petit Bateau Dim, Prada, Armani, Elena Rubinstein. Vous écoutez France Culture, vous venez d'écouter évidemment la publicité des nuls sur Quiskas et puis Alain Souchon, putain, ça penche. Il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi la durée ? Il y a certaines philosophies qui sont célèbres pour avoir, comme disent certains auteurs, inventé un mot, ou plutôt inventer le sens d'un mot, inventer un concept, inventer un nouveau sens d'un mot traditionnel. Cela ne passe pas forcément par des mots nouveaux, et même assez rarement, finalement, puisque le « je pense » de Descartes est devenu un « je pense », alors parfois on le dit en latin pour s'en souvenir. Et parmi ces concepts qui utilisent des mots de langage courant, mais qui en transforment profondément le sens, et qui sont presque l'emblème de toute une philosophie, il y a dans la philosophie de Bergson cet étrange usage du mot durée, du mot durée qui devient chez lui la notion fondamentale. Voilà un philosophe qui a toujours, devant ses interprètes, voulu réduire toute sa philosophie à un seul mot. Il faudra toujours repartir de la durée, dit-il. Il dit aussi, dans une réponse à ses auditeurs et auditrices au Collège de France, que le temps n'était pas de l'espace. Quel est donc cet usage étrange d'un mot en philosophie, et en particulier ici du mot de durée? C'est un usage tout à fait paradoxal, puisque le sens traditionnel du mot « durée », c'est, pour ainsi dire, l'étendue de temps, la quantité de temps entre un instant et un autre. Le temps qu'il faut, par exemple, pour cette petite chronique qui dure 3 minutes 20 secondes, en principe, c'est sa durée selon le temps des horloges. Mais Bergson, justement, renverse radicalement cet usage du mot « durée ». Pour lui, la durée, ce n'est justement pas le temps en tant qu'il est mesuré, c'est plutôt l'expérience de la succession dans sa continuité même et en tant qu'elle dure au participe présent et que l'on ne peut pas en séparer des instants pour en proposer une mesure. C'est le temps en tant qu'il est irréductible à l'espace. Et cette notion de durée suppose donc autre chose que l'espace pour tenir ensemble les moments d'un temps qui justement passe, qui n'est jamais présent en même temps. Quel est donc cet autre principe qui tient ensemble les moments du temps, si ça n'est pas l'horloge, si ça n'est pas le calendrier, si ça n'est pas l'espace? Eh bien, c'est notre conscience. C'est l'acte de retenir, par exemple, en parlant les éléments de cette phrase, de tenir ensemble les moments du temps. La durée, c'est donc un acte intérieur au temps, une subjectivité qui va s'étendre, selon Bergson, depuis les degrés les plus minimaux dans la matière de l'univers lui-même, jusqu'aux actes libres des êtres humains qui sont chargés, au-delà des êtres vivants, de créer des actes nouveaux en se ressaisissant eux-mêmes dans la durée au lieu de se répartir toujours dans l'espace qui oublie la succession temporelle. Ainsi, dans l'acte libre, nous rassemblons toute notre histoire dans un tremblement, en quelque sorte, pour prendre une décision qui engage toutes les raisons de notre vie. Et pour Bergson aussi, dans Les deux sources de la morale et de la religion, les êtres humains parfois réouvrent une histoire figée dans la guerre en ressaisissant toutes les possibilités d'une action qui ouvre une nouveauté concrète, en rompant avec les barrières de la guerre qui clôt l'humanité sur elle-même. Ainsi, ce petit mot de durée est passé de l'étendue spatiale de temps à, au contraire, l'expérience dans le temps d'une création de nouveautés. Cette durée inventée par Bergson est bien un des mots par lesquels la philosophie a inventé un nouveau sens du monde. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Voilà. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon de la Selle qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Carla Michel, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert avec à la réalisation Laurence Malonda et à la prise de son aujourd'hui Félix Delacour et Bernard Gabé à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter cette émission sur la publicité, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. Et rendez-vous demain pour la suite et déjà la fin de notre série sur la télé, la télévision. Et demain, nous parlerons télé-réalité et réalité de la télé. Ce sera avec François Jost.